Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire. En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage contre toutes les cages. Bonsoir, vous êtes en direct sur Carapatage. Alors, comme tous les premiers et troisièmes mercredis du mois. Alors, ce soir, dans le studio, avec moi, pile, il y a... Avril. Et à la technique... Maëlle, salut. Alors, ce soir, un peu comme toutes les émissions, on va faire quelques brèves. Et après, on parlera d'un sujet d'actualité, les Jeux Olympiques. Mais, pendant, tout au long de l'émission, si vous avez des choses à ajouter, vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40. Je pense que Maëlle sera ravie de vous répondre. Oui, il sourit. Vous pourrez retrouver cette émission et toutes les précédentes sur notre blog carapatage.noblogs.org et vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @carapatage. Et comme, bon allez, je le dis maintenant, mais comme on ne désespère toujours pas de recevoir du courrier par, par voie postale, n'hésitez surtout pas. C'est au 4 Villa Stendhal, 75 020 Paris. Voilà. Alors, on va commencer par une brève sur... Bah, tu vas nous dire, Avril. Sur les nouveaux projets de Gabriel Attal. Oh. Alors, après les émeutes, Gabriel Attal est a très envie de réinstaurer un peu d'autorité, notamment vis-à-vis des mineurs. Et pour ça, il est en ce moment en train de bosser sur un projet de loi qu'il aimerait voir passer avant la fin de l'année. Et du coup, qui est dans la continuité de mesures qu'ils ont déjà commencé à prendre, comme par exemple la Force d'Action Républicaine, qui est un dispositif contre la délinquance qui a été lancé fin février. Et qui vise à articuler tout un tas de secteurs plus sociaux, de répression et tout ça... Et du coup, le projet de cette loi, il vise à sanctionner plus facilement les mineurs. Je précise tout ça, c'est vraiment les débuts du projet. Du coup, il y a aussi plein d'effets d'annonce, tous ces trucs-là. Pour l'instant, c'est à peu près que du vent, quoi. Mais c'est l'idée, ça présente un peu les idées qu'il a, et notamment celle d'un volet prévention qui prévoirait le placement des mineurs en foyer pendant 15 jours, dès le premier fait grave. Sans que, bon, quand je dis c'est du vent, c'est qu'on n'a aucune idée de comment ils arrivent à mettre ce truc-là en place. Hein. Mais c'est l'idée. Et un autre volet qui vise à élargir la comparution immédiate à partir de 16 ans. Ce ne serait pas techniquement la comparution immédiate, ce serait plutôt une autre procédure qui ressemblerait à la comparution immédiate. Et... qui concernerait les délinquants entre 16 et 18 ans pour des cas, par exemple, de violences aggravées. Et sans que ce soit encore bien précis, à nouveau, il y a des concertations pour revoir ce truc de l'atténuation de la responsabilité pénale pour les mineurs. Tout est en discussion. Mais c'est... Bon, il matraque un peu ça sur les médias. En tout cas, il le défend. Et il envisage aussi des sanctions contre les parents. Notamment des tiges. Après, je pense que c'est plutôt appliquer une loi qui existe déjà, qui serait la soustraction par un parent à ses obligations légales, qui est déjà punissable de jusqu'à 2 ans de tôle et 30 000 euros d'amende. Mais il voudrait que cette loi soit appliquée dans ce cadre-là. Voilà. Ok. Bon, bah oui, on sait que le gouvernement Et depuis Macron, il y a une petite obsession pour la répression en général, mais encore plus des mineurs. Et après, c'est pas nouveau. C'est quand même depuis une bonne vingtaine d'années que cette tendance-là se confirme. Et ben moi, je voulais vous parler de ce qui avance plus vite. Enfin, c'est encore des effets d'annonce, mais suite à ce qui s'est passé à côté d'Incarville à l'évasion, et ben déjà. Il y a eu un protocole d'accord qui a été signé entre le ministre de la Justice et l'intersyndicale pénitentiaire. Et donc, les 30 mesures qui avaient été demandées par les matons et acceptées par le ministère ont été confirmées. Et du coup, qu'est-ce que ça fait ? Ça va augmenter le rythme des fouilles et de rotation de cellules, limiter les extractions judiciaires et aussi augmenter la possibilité de fouilles à nu, quasi systématiques des personnes détenues. Donc c'est pas étonnant, mais alors là, on voit bien que quand ça va aller vite, ils vont vite, quoi. À chaque fois qu'ils ont l'occasion d'écraser un peu plus les gens en taule, ils s'en saisissent, quoi. Ouais. Et du coup, on change de pays. Tu voulais nous parler de ce qui se passe un peu en Ukraine. Ouais. C'est... une mise à jour des missions qu'on avait pu faire avant qui concerne la conscription. Parce que du coup, il y a une nouvelle loi sur la conscription qui est passée qui a été mise en application le 18 mai. Et suite à cette conscription, une nouvelle vague de mobilisation qui a commencé. Et de plus en plus, on peut entendre des gens qui ne veulent pas aller sur le front et ça concerne plus de gens aujourd'hui, puisque cette loi, notamment, ce qu'elle fait, c'est qu'elle abaisse l'âge de la conscription pour les hommes de 27 à 25 ans. Et aussi, elle rend obligatoire la conscription pour les femmes qui ont des qualifications médicales. Et du coup, comme je le disais, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ces convocations, et plein qui se retrouvent aussi confrontés devant un choix, du coup, obéir et risquer de crever sur le front, ou bien tenter l'esquive et s'exposer à la répression. Il y a un délit qui s'appelle l'insoumission, qui punit ce genre de choses-là, la volonté de ne pas aller sur le front, quoi, globalement, à jusqu'à 50 tôles. Et pour rappel, depuis le début du conflit, les hommes ukrainiens entre 18 et 60 ans, ils ont interdiction de quitter le pays. Et quand bien même des centaines tentent le coup, et plein d'histoires en sortent. Et cette mobilisation, c'est aussi à nouveau jouer le chantage avec les gens qui sont en tôle. Et l'État ukrainien, il a annoncé qu'il a mobilisé 4656 prisonniers à leur effort de guerre, en leur promettant la liberté à l'issue de la guerre, si jamais ils ne meurent pas en chemin. Et il voudrait recruter 5000 nouveaux prisonniers. En Russie, l'État, il joue sur le même chantage, en promettant même l'effacement du casier judiciaire. Et si on ne sait pas combien de prisonniers ont été sur le front, engagés sur le front, on sait par contre qu'entre mai 2022 et janvier 2023, donc 8 mois, il y a 35 prisonniers qui sont sortis de prison. 35 000. Et bon, ce recrutement dans les tôles russes, il a d'abord servi à alimenter les unités Wagner, qui étaient confrontées aux assauts les plus dangereux, voire quasi suicidaires, en soulignant bien que les soldats sont de la chair à canon, les tôlards, peut-être encore plus de la chair à canon que les autres à ce moment-là. Et pour ces nouvelles mobilisations de tôlards dont je parlais en Ukraine, on ne sait pas grand-chose de où et comment ils seront mobilisés, si ce n'est qu'ils seront dans des unités spéciales. Voilà, ce qui augure pas que du bon. Ouais, alors on voulait terminer les brèves par un petit agenda. Bientôt, ça va faire un an que Naël a été tué par la police. Et du coup, il y a une marche qui est organisée par ses proches, sa famille, entre autres. À Nanterre le 29 juin. Alors le rendez-vous, il est à 14h devant le carrefour 74 avenue Pablo Picasso. On sait ce qu'on pense des carrefours, enfin bon, de tous les magasins, mais bon, vous voyez. Et ensuite Et ensuite, on voulait annoncer un autre rendez-vous plus proche, celui-là, là, ce week-end, le 23 juin à 11h. Pourquoi, entre autres, on l'annonce dans cette émission ? C'est parce que c'est en lien avec la lutte contre les Jeux Olympiques qui a eu lieu pendant quelques années au Jardin d'Aubervilliers. Et la lutte continue, même si une partie du projet avait été abandonnée. En fait, les terres qui devaient être récupérées et rendues intactes ne l'ont. Sont toujours bétonnés en l'état tel que les travaux ont commencé. Et il y a un projet de continuer à détruire une partie des jardins pour la gare du futur métro. Et donc voilà, ça commence à 11h par une visite des jardins, une cantine, des présentations de livres et une chorale et des chants en fin de journée. On va vous laisser sur cette fin de brève avec une petite musique tout à fait d'actualité. Vous êtes de retour dans 89.4. C'est vrai, vous êtes de retour sur 89.4 FM, Radio Libertaire, dans l'émission Carapatage. N'oubliez pas, si vous voulez, vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40. Normalement, on est là jusqu'à 22h. Peut-être un petit peu moins. Et voilà, alors là, on est deux, c'est un peu... C'est un peu compliqué, donc j'ai oublié une brève que devait faire Avril. Donc, il va la faire maintenant. Et on va parler un peu de quelque chose qu'on a déjà parlé dans les autres émissions. On va faire une petite mise à jour. Oui, il faut dire qu'à la base, on était un peu plus... L'émission est en partie à l'arrache, plus que prévu, mais ça va bien se passer. Du coup, tu nous fais une petite brève. Oui, du coup, je vous fais une petite brève. mais c'est pour raconter... Du coup, l'histoire d'une association de malfaiteurs qui vient de commencer. Et ça s'est découvert le 29 mai avec l'arrestation d'une camarade à l'aéroport d'Orly. Et les flics l'ont directement amenée à une perquisition chez elle, puis en garde à vue. Et suite à sa garde à vue, elle a été mise en examen par un juge d'instruction. Et elle est poursuivie pour association de malfaiteurs, menace de mort et refus de donner son code PIN, je crois. Dans les faits, elle est poursuivie pour avoir menacé par courrier un cabinet d'architectes impliqué dans des constructions de CRA. Le juge lui colle une interdiction de quitter le territoire français, mais dans le même temps, la préfecture lui remet une obligation de quitter le territoire français. Et il l'a placée dès sa sortie de garde à vue en centre de rétention administrative. Et elle a pu, après un recours devant le tribunal administratif, sortir après 10 jours de rétention. Et du coup, elle est poursuivie pour 3 faits, mais cette affaire, elle dépasse sa simple situation, puisque l'enquête concerne 11 actions et 27 chefs d'inculpation et 27 plaignants, 5 cabinets d'architectes et 11 particuliers. Et pour dire, cette instruction, elle vise directement la lutte contre la construction de nouveaux centres de rétention administrative. Et lutte dont on peut vous parler puisque des trucs sont sortis. Hein. En mai, il y a 4 cabinets d'architectes, mais aussi parfois l'immeuble dans lequel vit leur patron, qui avait ainsi reçu des visites, qui avait leur façade taguée, leur serrure collée et quelques vitres brisées. Et une lettre accompagnait ces actions pour laisser aucune ambiguïté quant aux intentions des personnes qui sont venues faire ça et pour faire découvrir leur sale boulot à leurs voisins. Et du coup, il y a des bouts sur les moyens d'enquête qui ont pu être partagés depuis la lecture. Des gens ont partagé leur lecture de dossier. Et d'après ce qu'ils en disent, les flics, ils ont retracé en grande partie le trajet de la personne depuis les images de vidéosurveillance. Ils ont pu l'identifier à l'aide d'une description de ses fringues, de son vélo et de ses cheveux. Et la réquisition d'images depuis les fichiers de la RATP ont permis de mettre la main sur une photo d'elle qui correspondrait aux images de vidéosurveillance potentiellement. Ils ont checké son bornage téléphonique et notamment en revenant sur une ancienne affaire dont vous avez parlé dans cette émission qui était le 31 décembre où pas mal de personnes avaient été arrêtées. Et bien, ils ont checké les bornages téléphoniques de toutes ces personnes-là. Au moment des faits contre le cabinet d'architecte. Et en checkant son bornage téléphonique plus récemment, ils comprennent que la personne n'est potentiellement pas en France et du coup, ils contactent les aéroports pour choper ses billets et pouvoir l'attendre à son arrivée. Ce qui nous donne le point de départ dont je vous parlais tout à l'heure. Et du coup, à partir de là, ils l'emmènent en perquisition, ils récupèrent un caouet, un vélo, des tracts, des fringues et des bombes de peinture. Et voilà, ils ont aussi interrogé des voisins et tenté d'identifier d'autres gens, pour l'instant sans succès. Mais du coup, voilà, c'est une association de malfaiteurs qui est en cours, qui vise ces affaires-là, et qui voudrait peut-être mettre fin à une lutte, mais qui prendra pas fin, visiblement. Et alors, l'association de malfaiteurs, c'est vraiment quelque chose de que l'État, enfin la justice aime couramment utiliser. Ce matin, par exemple, la répression, elle continue. L'État colonial, la répression continue en Kanaky. Il y a eu 8 personnes arrêtées dans le cadre d'une association de malfaiteurs qui sont accusées d'être les commanditaires présumés des émeutes depuis que ça a débuté, quoi. Voilà, on en pense. Comme toujours, l'État cherche des chefs, des gens à réprimer pour réprimer à peu près. Tout le monde et faire peur. Et on en reparlera d'ailleurs de l'utilisation des associations de malfaiteurs parce que c'est aussi un des. Enfin, ils le préconisent aussi pour l'utiliser là dans les mesures utilisées pour la sécurité des Jeux Olympiques. Et du coup, on va commencer à parler un peu des Jeux Olympiques et du coup, on voulait l'aborder un peu sous l'angle de la répression. Voilà, parce qu'on est un carapatage. Mais parce que voilà, pas. Et voilà, on change pas. Et du coup, on va revenir un petit peu sur les différentes expulsions, sur les déplacements qui sont faits en vue des JO. Et ensuite, un peu plus sur toute la machine judiciaire administrative qui se met un peu en action. Et ensuite, un peu quand même. Sur les luttes qu'il y a contre les parce qu'il y en a. Oui. Et on avait déjà fait une émission de carapatage sur les Jeux Olympiques et c'est pour ça aussi qu'on va pas aborder l'entièreté des sujets que ça touche. Et donc on se concentre sur un peu d'autres sujets, mais je vous invite à aller écouter l'émission 50 que on a fait il y a quelques mois, voire genre un an. Voilà. Et donc, c'est moi qui vais commencer par vous parler un petit peu un peu du nettoyage social qui est fait avant les Jeux Olympiques. Et du coup, ça a commencé il y a quand même déjà un petit moment, mais plutôt en 2022 où ça commence à se voir de manière. Enfin, c'est affiché que ces expulsions, ce qui est en train de se passer, se fait en vue des Jeux Olympiques. Si c'est pas affiché, c'est dit sous le manteau, en tout cas, ça commence à être dit, quoi. Donc d'abord, ça commence par le fait que la plupart des hôtels vont arrêter de recevoir, des hôtels qui recevaient les personnes qui étaient hébergées au 115, vont arrêter d'être reçus dans ces hôtels, et donc ces hôtels vont ensuite être rénovés pour pouvoir accueillir une clientèle plus lucrative. Et donc voilà, donc ça fait quand même déjà plusieurs centaines, voire des milliers de personnes qui n'ont plus accès à ces hébergements, alors qu'on sait que déjà le 115, en fait, si on l'appelle, on n'a potentiellement pas du tout de place. Voilà. Et en fait, ça continue aussi par des gens qui vivent dans des endroits pérennes, mais qui sont des endroits où il y a un projet de rénovation urbaine. Donc, comme le foyer ADEF à Saint-Ouen, où il y avait plus de 230 personnes qui habitaient là-bas. Et on sait que dans pas mal de foyers, il y a plein de personnes qui, en fait, n'ont pas accès à une chambre avec un nom, etc. Et du coup, ces gens ne font pas partie, ces personnes-là ne font pas partie de leur relogement et se retrouvent sur le carreau. Et du coup, ça fait qu'au moins une bonne partie n'a pas été relogée. Et puis, ça continue pour les endroits un peu visibles à l'île Saint-Denis, où environ 400 personnes occupaient un squat. voilà, et du coup, il y a eu une lutte assez importante qui a eu lieu avec beaucoup de manifestations, tenter d'avoir des relogements, etc. Donc, ça n'a pas du tout été pris en compte par la préfecture. Et du coup, ce qui a été proposé, c'était des mises à l'abri temporaires de genre 3 semaines. Et c'est le début où la préfecture a commencé à envoyer des gens, enfin, en tout cas de manière visible, dans l'est de la France, dans le sud de la France, dans des SAS, donc des centres d'hébergement temporaire, ou des centres d'évaluation administrative. Donc en fait, soit après, tu as accès à une mise à une demande d'asile, ou accès à rien du tout, ciao, bye bye, voilà. Et du coup, ensuite, il se passe la même chose à Aubervilliers, où il y a une centaine de personnes qui habitent là depuis plusieurs années. Et en août 2023, ils sont expulsés parce que c'est proche des installations des Jeux Olympiques. Et les gens sont orientés vers Marseille. Donc en fait, les gens habitent là depuis plusieurs années et sont orientés vers Marseille. Donc, voilà, c'est le genre de situation assez ubuesque, en fait, dans laquelle les gens se trouvent. Et ça continue à Vitry, mi-avril. Hop, il y a une expulsion de 450 personnes, dont ces personnes-là qui... pour certaines, habitaient avant à Saint-Denis, dans ce squat à l'île Saint-Denis qui était nommé Unibéton parce que c'était une ancienne usine. Ça appartenait à Unibéton. Et là, les gens, par exemple, sont envoyés à Bordeaux, mais dont des personnes qui sont scolarisées, par exemple, quoi, ou en cours de scolarisation. Et de concert avec toutes ces expulsions, il y a eu la loi Casbarian qui est arrivée. L'été dernier, fin de l'été dernier. Et loi a permis aussi de nombreuses expulsions et aussi vraiment empêcher toute tentative de réouverture. Donc là, on pourrait en citer pas mal, mais en tout cas, il y en a qui sont visibilisés un peu par des textes sur Internet, comme genre à Montreuil, au Lila, à Rosny, à Noisy-le-Sec, mais aussi au Pré-Saint-Gervais, où il y a une tentative pour, entre autres, loger des personnes qui étaient logées. Loger des personnes qui étaient à Unibéton. Et ça a été expulsé avec l'aval de la mairie de gauche du Pré-Saint-Gervais. Et voilà, à chaque fois, ces expulsions se passent avec des gardes à vue et parfois des procès. Donc, ce qui est quand même un peu, effectivement, assez décourageant. Et voilà. Et j'avais envie de vous lire un petit texte. J'avais envie de vous lire un petit texte qui avait été écrit par suite à une tentative d'ouverture au Kremlin-Bicêtre, qui en fait, c'est plutôt mal passé. Et ce qui s'est produit aussi dans plusieurs fois régulièrement, c'est que les propriétaires ont décidé ont expulsé sous le regard des flics. Donc là, il y avait vraiment l'aval des flics et les flics n'avaient pas trop besoin de se salir les mains, quoi. Sachant que c'est une pratique qui existait quand même par ailleurs déjà. Avant. Mais par ailleurs, peut-être un petit peu moins visible. Ouais, moins assumé, quoi. Ouais, voilà, c'est ça plutôt. Et donc voilà, Ce que dit ce texte, c'est bien que ce genre de pratique existait déjà avant. Ok. C'est toi qui as écrit le texte, quoi. On peut supposer que le nouveau contexte répressif donne le feu vert aux proprios de tenter l'expulsion par tous les moyens possibles. Malgré le fait qu'en théorie, ça reste en dehors de la loi. Le fait d'augmenter les peines pour les squatteuses était d'ailleurs justifié par la nécessité de rendre symétriques les risques pénaux encourus par les proprios auteurs d'une expulsion illégale et les squatteuses. Or, dans les faits, il n'en est rien. La logique de classe qui régit les fonctionnements de la police et de la justice se révèle être encore plus puissante que le soi-disant monopole de la violence légitime de l'État. Comme on a l'habitude de le voir, celui-ci s'attaque principalement aux pauvres, pendant que les proprios ne se sentent plus pissés. Le fait de résister à la fascisation de la société, dont l'un des vecteurs est l'adulation de la propriété privée allant de pair avec la déshumanisation de toutes celles qui le remettent en question, par besoin, par volonté politique, ou bien les deux à la fois, demandera beaucoup de force et d'imagination de notre part. Nous espérons alors nous retrouver plus nombreuses les prochaines fois qu'une ouverture sera tentée pour ne pas se laisser écraser par la machine répressive et continuer à fomenter des brèches dans l'ordre social qui nous écoute. Qui nous étouffe. Il nous écoute aussi, mais il nous étouffe. Et donc voilà ce petit extrait de texte de Trouveur, un peu d'actualité. On leur souhaite beaucoup de succès. Ouais. Et du coup, je le trouvais d'actualité aussi parce que... Eh ben, y en a quand même qui luttent et qui continuent à occuper. Bon, là, en l'occurrence, c'est l'occupation de la maison des métallos par, dans la lutte des mineurs isolés. Et c'est une lutte qui, qui est en cours depuis plusieurs mois, où il y a eu plusieurs tentatives d'occupation, des expulsions de campements, entre autres sur les bords de Seine. Et début avril, suite à ces luttes, mais aussi ces occupations dans des gymnases que la mairie avait, la mairie de Paris avait dit ce sera jusqu'en avril. Après, c'est réquisitionné pour les JO, etc. Et du coup, la mairie, donc là, il y a eu l'occupation de la maison de Métallo, beaucoup de manifestations, beaucoup de rassemblements, des concerts de soutien, etc. Et là, la mairie de Paris vient de demander l'expulsion du collectif de la maison des Métallo. L'expulsion, elle est à partir de... Ils sont expulsables à partir de demain. Il n'y a aucune proposition de relogement. En tout cas, qui correspond... encore aller à Marseille, à Bordeaux, à Gap, à Orléans. Enfin bon, voilà, toutes ces villes où ils proposent d'envoyer les gens pour quelques jours, quoi. Et voilà, et d'ailleurs, ce soir, il y avait une AG en cours pour soutenir cette lutte. Et il y a un rassemblement qui est demain. À 8h30 devant le tribunal administratif pour contester la décision d'expulsion. Et le 21, il y a vendredi, il y a une manif avec le comité de sans-papiers à République, juste de République à Paris, jusqu'à la maison des métallos. Donc voilà, un peu pour faire un tout petit état des lieux, un peu des luttes et aussi des expulsions un peu visibles qu'il y a eu à cause des Jeux Olympiques, quoi. Mais qui, voilà. Et toi, tu voulais un peu nous parler... C'est même qu'un bout, parce que les expulsions elles vont bien plus loin, et même chez des gens qui n'habitent nulle part. Et t'en parlais de, en gros, virer même, pas juste de la maison, mais d'Île-de-France, tout un tas de gens. Et c'est le cas aussi pour les SDF, avec ou sans papier, où depuis un an, il y a plus de 12 000 personnes qui ont été... mis dans des bus, virés de Paris, voire de la région parisienne, principalement autour de la Seine, pour être envoyés un peu partout. Et notamment, t'en parlais dans les SAS régionaux, où 4000 personnes ont été dirigées vers ces SAS, qui sont, en vrai, qui sont pas des vieux trucs, hein. Ça date de mars 2023. Et ils étaient faits pour accueillir des gens pendant un délai de max 3 semaines. Et a priori, tu étais censé trouver une solution après. Et de fait, c'est absolument pas ça. En plus de ça, en principe, c'est censé être parce que tu le veux. A priori, l'accord des gens, les flics n'en avaient rien à faire quand ils les ont mis dans ces bus. Et du coup, c'est vraiment un nettoyage social... général sur toute la région parisienne. Et dans le même temps, les dispositifs anti-SDF, ils se sont multipliés. Et par exemple, on peut prendre, si on passe sur le, pas loin du pont Charles de Gaulle, bah, depuis quelques mois, on peut observer des gros rochers. Et bien, en fait, ces gros rochers, ils remplacent des dizaines de tentes qui étaient le refuge de tout autant de gens qui ont été virés, pas juste de leurs tentes, mais de la région. Du coup, il y a vraiment un truc de... Et ça renforce toute une dynamique qui existe déjà le reste du temps. On avait fait des émissions sur le vagabondage, et notamment une qui parle plus d'aujourd'hui. Et on reconnaît vraiment les mêmes dynamiques, mais poussées à une échelle énormissime, quoi. Et vraiment une volonté que plus rien ne dépasse. Ouais, alors on va continuer là sur cette dynamique répressive et nettoyage social après une petite pause musicale. Free, say tangy, people call me my tangy. There's a word, bitches, I'ma keep it banging. Truth is like a rotten tooth, you gotta spit it out. Let the bottom two, let my wisdom work it out. Big on the underground, can't knock me down. Picking leaves, bitches, bad boy, don't demand. I sleep on my tannin and I stand by it too. I can say lots with the little words if you like. Them had them, yeah, me, the madam, y'all introduce you to the dooms and dooms. Come let me go, do you like my perfume? Made it at home with some gasoline and shrooms. Oil and water are two extremes. We like fucking carpets, you like fucking booms. Why is your tattoo some ugly looking things? We yanks, cause it's not me and you, it's the fucking banks. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. Let my wisdom work it out. The world is out, sending your soldier pals. The words I announce, hope you heard them like cows. I'm a Kenny Body, Roger, Charlie, Aaron Rich. Bitch, my swag, bitches can't touch this. It's a click, click, click, please get off my dick. Just cause I know I don't make me thick. I'm overweight, heavyweight, be my slick rick. If you need the cheese, then my shit's got stick. We got bug, spray, bucket, stick. We got tons of the fun stuff, tons and tons of it. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. Vient d'écouter Mia Bring the Noise et tout à l'heure on a écouté Poésie Zéro voter avec un pavé. Et vous êtes bien dans l'émission Carapatage en direct jusqu'à environ 22h et comme tous les premiers et troisièmes mercredis du mois sur 89.4 FM Radio Libertaire. Je vous rappelle que vous pourrez écouter toutes nos émissions sur carapatage.noblogs.org et nous retrouver sur Instagram @carapatage et nous écrire des mails. à carapatage@riseup.net. Et là, on va continuer un peu sur ce qu'on appelait nettoyage social. En fait, c'est voilà, rendre Paris une ville sans les personnes dont... Une pure ville à touristes. Voilà. Et du coup, qui s'y colle là ? Qu'est-ce qui a été la nouvelle cible du ministre de l'Intérieur, mais aussi des sénateurs de droite, mais aussi des groupes abolitionnistes ? C'est le travail du sexe, du coup, et les travailleuses du sexe, les travailleurs du sexe. Et du coup, il y a eu toute une médiatisation il y a quelques mois de la corrélation qu'il y aurait entre augmentation de la prostitution et Jeux Olympiques. Alors, cette corrélation, montée en épingle par les médias, elle a été un peu démontée par une brochure qui a été faite par différentes assos et collectifs qui s'appelle Un confinement social pour les travailleuses du sexe. Enfin, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et c'est dans cette brochure que j'ai trouvé pas mal de ressources, entre autres. Voilà, pour vous parler un peu de cette situation. Parce que toute cette médiatisation-là, elle permet aussi d'invisibiliser d'autres situations d'exploitation. Parce que là, en fait... toutes les personnes qui ont été exploitées sur les chantiers, ceux qui sont morts aussi sur les chantiers, même si cette exploitation était genre moindre, par exemple en France que dans d'autres Jeux Olympiques qu'il y a pu avoir dans d'autres pays, c'est quand même c'est quand même plein de personnes exploitées. On en reparlera un tout petit peu parce qu'on avait déjà parlé un peu dans les autres. Dans l'autre émission, mais des occupations de chantier qu'il y a eu pour obtenir des papiers, etc. Et donc, pour revenir un peu à ce dont je voulais parler, il y a eu la médiatisation d'un accord entre l'État et Airbnb. Donc Airbnb, une entreprise sponsor des JO qui va bien profiter des JO pour se faire un bon bénéf. Et ils ont mis en place un accord, une ligne directe pour que les propriétaires ou les usagers poucavent au moindre soupçon de prostitution qu'il y aurait les Airbnb. Donc, par exemple, avec les Gîtes de France, ils n'ont pas besoin de ligne directe, mais ils ont déjà aussi un accord comme quoi ils les tiendront informés s'ils ont des soupçons, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que cette situation, elle rend beaucoup plus précaire la situation des personnes travailleuses du sexe, parce que qui dit pas pouvoir, si tu travailles dans un logement, pas pouvoir travailler dans un logement, c'est hyper compliqué. Et ça rend aussi plus vulnérable aux clients. Et du coup, par exemple, il y a une bonne explication dans cette brochure là qu'on mettra en lien sur le blog de la conjoncture de tout ce qui s'est passé. Par exemple, pendant la Coupe du Monde de rugby à Lyon. Et donc, il y a un exemple un peu sur tout ce que ça produit comme situation, comment les associations de riverains s'en sont emparées, les associations, je ne sais pas si on peut appeler ça des associations d'extrême droite, mais enfin bon, s'en sont emparées pour réprimer les travailleuses du sexe qui travaillaient autour des stades, par exemple, etc. Et en fait, ce qui est en train de se passer à Paris, c'est qu'il y a beaucoup plus de contrôles qui sont constatés dans le bois de Boulogne et dans le bois de Vincennes. Les flics sont hyper présents et distribuent des OQTF, voire place en CRA. Et c'est aussi le cas à Belleville, par exemple, où a priori, ils sont là en train de contrôler trois fois par semaine, parfois directement avec des interprètes. Ça veut dire qu'ils ont envisagé qu'ils allaient déjà effectuer ce contrôle en particulier sur certaines personnes. C'est aussi le cas à Strasbourg-Saint-Denis, par exemple, où ils menacent à haute voix en disant « vous n'aurez pas le droit d'exercer, vous n'aurez pas le droit d'être là pendant les Jeux Olympiques ». C'est aussi dit pour le bois de Boulogne, parce que c'est aux abords des terrains de Roland-Garros, du Parc des Princes, etc. Et du coup, ça aussi, ça rend carrément le travail plus précaire, parce que ça oblige les personnes à s'éloigner et de travailler dans d'autres endroits qu'elle connaisse pas forcément ou qui elle connaisse pas forcément, aussi loin des assos ou de son parcours de santé, de son réseau, de ses proches, quoi. Et bah, y a aussi beaucoup plus de stress avec tous les contrôles, etc., qu'il peut y avoir et qui ont l'air d'être récurrents, quoi. Et ça oblige aussi parfois à exercer plutôt via Internet, mais du coup aussi parfois à être dépendant de quelqu'un qui aurait un logement, de quelqu'un qui sait se débrouiller pour pouvoir louer un logement, etc., quoi. Du coup, c'est toute cette médiatisation, c'est aussi pour pouvoir mener une politique répressive. Et voilà... faire croire un peu qu'ils sont en train de lutter contre la traite des êtres humains, alors qu'en fait, juste, ils sont en train de mettre la pression sur les personnes qui travaillent. Et voilà, pour continuer un peu sur la répression, tu voulais nous parler un peu de l'opération PlaceNet. Oui, c'est un autre versant de leurs outils répressifs ces dernières années. Et du coup, PlaceNet, c'est pas juste... Virer tout ce qui dépasse SDF, faire chier les TDS et tout, mais c'est aussi le nom partout en France de dizaines d'opérations policières qui, sur le papier, visent à démanteler des réseaux de trafic de drogue. Et les toutes premières opérations, elles datent de décembre 2023 et elles se sont multipliées ces derniers mois, notamment avec les opérations PlaceNet XXL depuis avril, dont l'objectif, c'est d'arrêter un grand nombre de personnes dans des opérations simultanées de grande ampleur avec beaucoup de flics à plusieurs endroits en France. Et depuis le début de ces opérations, il y a un peu plus de 6 mois, il y a 3814 personnes qui ont été interpellées, et dont un peu plus de 1700 juste dans le cadre des opérations PlaceNet XXL. Parmi elles, il y en a 260 qui sont passées en comparution immédiate. Il y a eu plus de 80 instructions qui ont été ouvertes et 190 personnes ont été envoyées direct en tôle avec un mandat de dépôt. Et en plus des PlaceNet, Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, il a mis en place des opérations CellulesNet qui sont concrètement, c'est une centaine de cellules et 200 personnes qui ont été visées par des fouilles éclairs au cours de 8 opérations en 3 semaines. PlaceNet, c'est aussi, à Mayotte, une opération qui a mobilisé 400 flics et qui avait pour objectif, entre autres, de réprimer l'immigration. Et c'était dit de façon texto, pas caché, quoi. Ces opérations, au total, elles ont mobilisé près de 55 000 flics, ce qui est quand même un énorme bout du dispositif policier en général en France. Elles sont aussi, et sans doute même avant tout, des outils de propagande. Chose qu'on peut vérifier en voyant tout le mal que se donnent les services des diverses préfectures et du ministère de l'Intérieur à communiquer dessus. Je pense que chaque préfecture a fait un bilan de cette opération à grand renfort de chiffres et tout. Et du coup, il s'agit de montrer les muscles, de montrer la capacité de l'État à mater les récalcitrants avant l'arrivée des JO, partout, à n'importe quel moment. Ces chiffres, là, tout ce que je vous ai dit, ça vient justement de bilans qui viennent de leur communication et qui datent d'avril dernier. Mais pour dire, ces opérations, elles continuent d'exister. Il y a une semaine, à Beauvais, il y a 7 personnes qui ont été interpellées dans le cadre d'une opération PlaceNet. À 7, idem, il y a 15 personnes qui ont été interpellées il y a 2 semaines. Et ça continue, quoi. Ces outils de répression, ils continuent. Et du coup, pour supporter tous ces gens... qui se font interpeller, et avec autant d'arrestations et aussi pour pendant les JO, il faut que la machine judiciaire elle tienne le coup. Des cellules de garde à vue jusqu'aux cellules de prison. Et donc, c'est mis en place tout un effort de guerre, quoi. Non, ça va peut-être abuser, mais un effort de guerre sociale, on dira. Autour des tribunaux, par exemple, où il y a 14 départements qui accueillent des épreuves, et leurs tribunaux vont voir 222 nouveaux magistrats et 294 greffiers qui vont venir renforcer les effectifs déjà présents. Toutes vont avoir des audiences de comparution immédiate supplémentaires et aussi vont ajourner un certain nombre d'affaires pour pouvoir prendre en charge celles qui ont lieu maintenant et tout ce truc du... Oui, où plein d'audiences ont été renvoyées. Ils ont dit qu'ils renvoyaient les audiences à octobre et qu'ils laissaient toutes... Pour que tout leur effectif soit consacré à la période des JO. Et au tribunal de Bobigny, par exemple, ils s'attendent à 200 gardes à vue par jour pendant les JO, ce qui semble indécent. Bon, c'est pas que c'est décent le reste du temps, mais c'est colossal, quoi. Et ils prévoient une nouvelle audience de comparution immédiate. Ils font ce truc-là d'ajourner un certain nombre d'affaires. Et il y a déjà des séances de comparution immédiate, des stages maintenant en cours. Il y a déjà un nombre d'affaires beaucoup plus grand en ce moment. Voilà. Bah oui, parce qu'en 2022, le ministre de l'Intérieur avait lancé l'opération Zéro Délinquance, qui du coup avait déjà augmenté le nombre de contrôles pas mal en Seine-Saint-Denis. Et du coup, ils avaient beaucoup plus d'audience de comparution immédiate et beaucoup plus de garde à vue déjà depuis 2022. Et ben on va se réécouter une petite musique. Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula sulla strada, ma in mezzo al fuori anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce, tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Certo bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali. Tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone che vi ripete un'altra volta. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Vous êtes de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Et donc, on est en train de parler des Jeux Olympiques. Et donc, on vient d'écouter Fabrizio Di André, Nella Miora di Libertà. Voilà, je trouvais que c'était aussi un peu d'actualité. Mais donc, on est aussi en train de parler des Jeux Olympiques. Et on était en train de parler des opérations répressives au niveau de la justice. Et la police, enfin, et aussi au niveau du gouvernement, on s'inquiète d'autres menaces. Donc, dans les meilleurs journaux, vraiment la meilleure prose, on peut trouver plein d'articles concernant les différentes menaces. Donc évidemment il y a la menace terroriste jusqu'à la menace contestataire. La menace contestataire, c'est, voilà. Super menaçant. Et voilà, et donc celle-là qui est la menace la plus probable, dixit le gouvernement, dixit le ministère de l'Intérieur, se décline en différentes versions. Environnementalisme radicaux, contestation d'ultra-gauche à ultra-droite, mais aussi économique et social, mais aussi lié à des particularismes locaux. Donc en gros, ils flippent de tout. La Corse, les agriculteurs, enfin voilà, il y en a pour tout, quoi. Et vu qu'ils flippent de tout, ils ont décidé de faire pas mal de mesures répressives. Donc on en reparlera des QR codes. Toutes ces demandes de QR code vont être passées au crible, sont en train en fait d'être passées au crible. Ça veut dire est-ce que t'as une fiche, est-ce que t'as des condamnations, etc. quoi. Mais pour aussi les riverains, les touristes, les chauffeurs de bus, les chauffeurs de taxi, entre autres. Et donc tout ça, tout signalement d'une de ces fiches, d'une de ces demandes par exemple, et ou de voilà de d'une de ces fiches criblées est envoyée au centre de renseignement olympique qui regroupe les différents services de l'antiterrorisme. Et du coup dedans il y a la DGSI, les renseignements territoriaux, ceux de la gendarmerie, le service le SAT, service de je sais pas quoi, antiterroriste. Et bah ouais en fait tout simplement de la police judiciaire de Paris. Et discutent à la suite de ces analyses. Ça les amène à, je dis leurs mots, des dispositifs spécifiques d'anticipation, de suivi et d'entrave. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, concrètement, ils vont faire des perquisitions, et ils font déjà, mais on va en reparler après, des perquisitions administratives et des assignations à résidence qui vont être programmées en amont ou pendant les Jeux Olympiques. Et donc voilà, selon différentes raisons, mais ce sera s'il y a la visée terroriste, même si la visée terroriste peut être quand même assez large dans leur panel de l'imagination, sur la base du renseignement et sur ordre du préfet. Donc là, il n'y a pas de voie judiciaire dans ce cas-là. Et aussi, on en reparlera aussi après, mais donc ils peuvent aussi faire des visites domiciliaires. C'est vraiment très mignon, mais en fait, c'est des perquisitions où ils peuvent prendre ce qu'ils veulent. Et ensuite, avec ça, ils pourront faire des MICAS. Alors, c'est un acronyme. Des MICAS. Ouais, bon, c'est mignon aussi, mais en fait, c'est pas mignon. Ça veut dire que, en fait, tu devras potentiellement renseigner tout changement de domicile, des restrictions de circulation, des pointages ou un bracelet. Donc, c'est des mesures individuelles, de contrôle administratif. Ces mesures, elles sont contestables au tribunal administratif, mais on se retrouve devant la justice si on les enfreint. C'est aussi voilà, une des raisons auxquelles va servir tous ces nombreux nouveaux personnels de justice. Et voilà, ces mesures, elles sont possibles dans le cadre de la pérennisation de l'état d'urgence qui a eu lieu en 2017, sous le gouvernement de Hollande, je crois. Et voilà, et du coup, je vous disais, bah oui, ça a déjà lieu. Et du coup, là, on peut... Donc, a priori, ils ont déjà fait pas mal de... Enfin, a priori, ils ont déjà fait pas mal de perquisitions. Ils ont même projet... Alors, j'ai vu des chiffres, mais je n'aurais pu... ça se compte en centaines de projets de visite. Okay. De perquisitions dans plusieurs maisons, appartements, a priori, chez des gens fichés par les renseignements. Et il y a eu une circulaire du 7 mai, où Darmanin a dit aux préfets, aux différents préfets, qu'il avait prévu donc ce plan de lutte antiterroriste qui repose sur cette stratégie d'entrave optimisée, donc qui est voilà, gérée par la DGSI, et c'est qui resserre la vigilance sur 5000 personnes qui sont déjà surveillées dans le fichier des personnes soupçonnées d'appartenir à la radicalisation. Voilà, terroristes islamistes. C'est un peu compliqué tous leurs acronymes. Et en particulier, ils ont décidé de surveiller les sortants de tôle, les jeunes et les étrangers. Et dans cette circulaire, ils encouragent l'ouverture d'instructions par le parquet antiterroriste. Bah, c'est pour ça que je vous parlais un peu tout à l'heure des associations de malfaiteurs, parce qu'ils vont encourager ce genre de... Bah, ils encouragent, voilà, clairement, le ministère de l'Intérieur encourage... l'ouverture d'instructions, mais aussi l'ouverture d'enquêtes de droit commun pour trafic de stupéfiantes ou stupéfiants ou pédocriminalité. Donc, il nomme un peu explicitement vers quoi, en fait, les juges pourraient s'orienter, ouais, enfin, les enquêteurs pourraient s'orienter pour ouvrir, chercher des trucs dans les appartements spécifiquement liés à la drogue, même si, voilà, ils y vont sur la base d'un renseignement, pas du tout pour rechercher des stupéfiants ou quelque chose comme ça, quoi. Et quand on dit encourager les assauts de malfaiteurs, ça veut dire aussi encourager tout un panel de possibilités qui peuvent être faites seulement avec... c'est que ça permet tout un tas d'outils pour les flics. C'est au-delà de juste chercher quel délit, c'est tous les moyens qui vont avec qui sont intéressants pour eux. Et du coup, voilà, ils vont... ils vont essayer d'appliquer vraiment ces mesures administratives aux personnes condamnées ou qui considèrent fortement radicalisées, en mettant donc ces restrictions de déplacement, de fréquentation aussi, de voilà, ne pas voir certaines personnes. Ça peut être donc interdire d'un territoire ou quelque chose comme ça. Et ils vont aussi le faire pour les gens qui sont dans ce fichier mais qui n'habitent pas en France, qui vont être préventivement faire l'objet d'une mesure d'interdiction de territoire, une IAT. Et s'ils passent la frontière, recevoir une OQTF. Et donc, bah voilà, c'est dans ce cadre de cette circulaire et de la mise en place de ces mesures possibles avec la pérennisation de l'état d'urgence qu'il y a eu de nombreuses destructions de portes voilà, et de perquisitions pendant ce mois de juin. Et du coup, toi, tu voudrais nous parler un peu plus des restrictions de circulation qu'il va y avoir pendant les Jeux Olympiques. Ouais, bah c'est pas le truc le plus impressionnant comparé à ce que tu vas dire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y voir une certaine... En tout cas, ils ont pris des leçons du Covid, par exemple, dans tous les outils qu'ils utilisent. Et sinon, ça... En gros, en région parisienne, dans plusieurs... à plusieurs endroits, ils mettent en place des zones qui sont découpées pour des besoins de sécurité notamment, et elles sont situées principalement dans le nord-ouest de Paris, dans le 1er, 7e, 8e et 16e arrondissement, mais aussi à la Porte de la Chapelle, à Bercy, à Boulogne-Billancourt, à la Porte de Vanves, à Colombes et à la Défense, aussi à Saint-Denis, à l'île Saint-Denis et au Bourget. Et vers la Porte d'Aubervilliers ou de la Villette, je crois. Ah, possible aussi. Ouais, carrément. Et en gros, à proximité de là où il y aura des installations olympiques et là où tout le spectacle va se jouer, quoi. Et donc, autour de ces zones-là, il y a des plus grandes zones qui, elles-mêmes, sont découpées en zones noires, zones rouges et zones bleues. Et ça concerne la circulation. Enfin, c'est en gros des questions de circulation, principalement automobile, en vrai. Sur les zones bleues et rouges, si on est à pied, en trottinette, en vélo, on se fait pas trop emmerder. Par contre, dès que tu te pointes avec un véhicule, en zone bleue, faut que tu aies une bonne raison de venir. En zone rouge, faut encore plus que tu aies une bonne raison de venir, c'est trié sur le volet. Et comment ils mettent en place tout ça? C'est là qu'on peut voir des réminiscences un peu du Covid. C'est qu'ils mettent en place une application qui ne s'appelle pas le pass sanitaire, mais le pass JO. Et là-dessus, il va falloir que tu justifies des bonnes raisons que tu as de passer par ici. Et là, on t'enverra ton petit code barre. Et en cas de contrôle, dans ces zones-là, il faudra que tu présentes ce code barre avec des justificatifs d'identité, de domicile, de ce qui doit correspondre avec le code barre. Et j'ai perdu la suite. Et pour les personnes là qui travaillent, par exemple, dans ces zones, il y a déjà des personnes qui ont genre mal fait la demande et qui sont déjà vues refuser la demande. Donc, qui ne pourront pas être présents dans la zone pendant un laps de temps, somme toute, assez court. Qui est par exemple le temps de la de préparation d'une dizaine de jours, quoi. Mais en tout cas, voilà, ils sont déjà en train de refuser des personnes. Et c'est aussi le fait de pouvoir circuler, même pour des raisons hyper restreintes au final, je sais pas, t'as pas 10 000 raisons pour lesquelles tu dois traîner dans ce coin-là. Ça prend aussi en compte le fait que les gens qui travaillaient ont demandé, ont pas réussi à le faire. Bon, voilà. Mais ceux qui travaillent et qui n'ont pas de papier justificatif, qui travaillent pas déclarés, etc., qui habitent mais non plus n'ont pas de bail, etc., c'est fini, quoi. Tu peux aller ailleurs pendant tout ce temps-là, quoi. Voilà. Et du coup, voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup de stress du côté du gouvernement. Plein de pubs dans les transports pour que on fasse du vélo, des trucs comme ça, du quoi. Télétravail. Ouais, du télétravail, que des trucs nuls. Non, le vélo, ça va. Aussi avec ce qui va quand même avec, on va pas vraiment parler, mais ça va avec une nouvelle brigade de sécurité aussi, par exemple dans les transports. Des caméras à 360 degrés dans les... Faut bien choper les 10 dans degrés. Dans les rames, ouais. C'est très restreint. Et entre autres, joie des Jeux Olympiques, où ils sont aussi en train, dans les transports, d'installer ces zones où il y aura la vidéosurveillance automatisée dont on parlait dans la précédente émission sur les Jeux Olympiques. Et aussi dans une émission sur la vidéosurveillance, je crois. Et on va écouter un peu de musique, ou non? Peut-être tu veux nous rajouter un petit peu de quelque chose. Je veux dire que là, on décrit des trucs de tout ce qu'ils mettent en place aussi, mais il faut dire qu'ils ont quand même plein de galères malgré tout, et que, par exemple, ce que tu décrivais, ils ont, la DGSI, les renseignements et tout, ils ont une multitude d'ennemis, ou de gens qui veulent surveiller, et ils ont certainement pas les effectifs pour surveiller tous les gens qui voudraient surveiller. Et du coup, il faut, sur un truc, d'arriver à... aussi se dire que tout va être verrouillé, mais aussi ils pourront pas du tout verrouiller autant qu'ils le voudraient, ils pourront pas surveiller autant les gens qu'ils le voudraient. Et oui, par exemple, où ils ont dit qu'ils allaient passer toutes les habitants des maisons sur le parcours de la flamme, en fait impossible, quoi. Enfin, et on va écouter Juliette avec sa chanson La Paresse. On peut écouter une autre chanson, hein. Enfin, Juliette nous en voudra pas. Moi, j'étais parti sur une chanson sur les JO. Ah vas-y, c'est bien aussi. C'est d'actualité, enfin, c'est dans le thème. Les habitants sont noyés par le grand air, formant une image. Vous êtes de retour dans Carapatage en direct jusqu'à 22h sur 89.4 FM Radio Libertaire. Je rappelle que vous pouvez nous appeler encore au 01 43 71 89 40, que vous pouvez nous écrire au 4 Villa Stendhal 75 020 Paris et retrouver toutes nos émissions sur notre blog carapatage.noblogs.org. Et en fait, là, on vient d'écouter Les Athlètes de Ludwig van 88. Du coup, une chanson en lien avec notre thématique. Et là, on voulait parler un peu plus de choses un petit peu moins, un peu plus motivantes, qui sont un peu des actions qui ont pu avoir lieu contre les Jeux Olympiques. Donc, malgré certaines menaces, genre pas de retrait de la réforme des retraites, pas de JO. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas retiré et les JO sont en train d'avoir lieu. Mais bon, c'est pas encore tout à fait maintenant. Et que les syndicats ont signé des accords de convention collective avec le COJO qui organise les Jeux Olympiques et, pour maîtriser, entre autres, de potentielles grèves. Il y en a quand même eu. Bon, les flics, ils n'ont pas eu besoin de grève, ils ont tout obtenu ce qu'ils voulaient. Les pompiers, ils ont un petit peu moins obtenu. Et puis ensuite, il y a eu des grèves chez les agents de la mairie de Paris, les éboueurs, des grèves qui n'ont pas forcément eu l'effet escompté a priori. Tout à fait. Et en tout cas, il n'y aura pas de vacances pour certaines. Et il y a même des réquisitions qui sont envisagées dans certains corps de métier où ils galèrent et où ils peuvent le faire. Et du coup, on espère quand même qu'il y aura des grèves. Surtout que l'ambiance est à la lutte, j'ai envie de dire. Face à cette grande fête du capitalisme. Et du coup, toi, Avril, tu voulais nous parler un petit peu des actions contre la flamme. La flamme qui est le parcours de la flamme et olympique. Grand moment de fête. Mais voilà, oui, hein, incroyable. Démarré à Marseille. Tout début mai, enfin le 8 mai. Et le passage de la flamme, ça veut dire, c'est une cible mouvante en fait, la flamme olympique. C'est un prétexte pour pouvoir mettre un peu le bazar, mine de rien. Et ça, ils en sont très conscients. Et du coup, ça veut aussi dire plein de mesures qui chamboulent un peu le programme des endroits qui accueillent la flamme, notamment la circulation. Et en effet, parce que la flamme, elle est très sécurisée. Le dispositif sentinelle, il est un peu renforcé. Pendant le passage à La Réunion, des démineurs étaient présents toute la journée avant le passage de la flamme et des militaires suppléaient les flics. De la même manière, des centaines de personnes qui portent la flamme sont triées sur le volet. Après une enquête administrative, t'en parlais tout à l'heure, c'est valable aussi pour les gens qui portent la flamme et 31 personnes ont été exclues. Et voilà, ils font tout ça parce qu'elle est constamment susceptible d'être attaquée. Et c'est vrai, le 14 mai dernier, la flamme, elle était là que depuis le 8 mai. Ça faisait une petite semaine et Darmanin, il annonçait que ses services, ils avaient déjà déjoué 23 tentatives d'attaque contre la flamme olympique en une semaine. Bon, selon les... c'est un peu bizarre, il y a des articles qui disent 32, d'autres qui disent 23, moi c'est pas très clair. Moi j'ai 32. Hein. J'ai pris le plus petit chiffre des deux, si on veut se faire plaisir, on se dit 32. Et en plus de ça, les flics ils ont aussi empêché deux tentatives d'attraper la flamme, des gens qui ont essayé de la choper. Et aussi ils ont intercepté 3 drones. Et du coup il y a ce truc-là, il y a tout un tas d'initiatives... des fois individuelles, des fois publiques, qui existent sur le passage de... enfin, contre la flamme, sur son passage. Et parce que c'est l'occasion de mettre un peu le bazar. Et du coup, je vais vous en donner juste celles qui ont été plutôt des appels publics. C'est absolument pas exhaustif. Mais le 8 mai, par exemple, quand la flamme olympique, elle arrive à peine à Marseille, le jour même de son arrivée, il y a une manif contre la flamme qui avait lieu le même jour sur la place des Réformés. À partir de la place des Réformés, le 28 mai, alors que la torche, elle traversait la Maine-et-Loire, elle a pu croiser des tags sur sa route, à Chaudes-Fonds-sur-Layon, ou la Ionce, je ne sais pas trop, par exemple, ou à Angers, où quelqu'un a pu tenter de profiter de son passage sur un canoë pour interpeller l'opinion. C'était, je crois, ce truc sur un canoë, ça concernait ce qui se passe à Gaza. Essayez de parler de ça. Le 29 mai, à Mayenne, il y a des écolos qui ont fait fleurir des tags anti-JO sur le passage de la flamme. À Mayenne en Mayenne. À Mayenne en Mayenne. Dans la Mayenne. Oui. Il y a la ville et il y a le département. Et le 1er juin, des militants, tu parlais d'un peu de grève et tout, et le 1er juin, à Rennes, il y a des militants syndicaux qui ont, contre tous les autres syndicats, qui étaient en train de négocier ce que tu racontais là, de mettre en place une espèce de co-gestion syndicat et autorité des JO. Et bien, il y en a qui n'ont pas fait ça et qui plutôt ont tenté de bloquer le centre technique municipal dans lequel il y avait les voitures balais, les laveuses nécessaires pour nettoyer. Et ils se sont dit, si on bloque ça, ce sera un peu dégueu, ce sera... Voilà. Ils ont fini par lâcher leur blocage, mais c'était une bonne idée et je pense que c'est une très bonne idée pour la suite aussi, si ça peut inspirer les gens. Et c'est pas tout... le 22 juin, la flamme, elle sera à Saint-Étienne. Et pour l'occasion, l'association sportive de sabotage événementiel appelle à se beler le passage de la flamme, appel accompagné d'une carte du trajet de la flamme dans la ville. Et vous pourrez retrouver le lien de cet appel sur notre blog. Et dans ce cas, vous aurez accès à la carte. Et la veille, c'est-à-dire le 21, donc après-demain, je crois... il propose un échauffement par une manif. Voilà. Et voilà, du coup, il y a tout un tas d'initiatives, c'était loin d'être exhaustif, et je voulais quand même parler aussi de... Il y a un endroit où le bordel, il a été tel que la flamme n'est même pas passée, c'est en Kanaky. C'était pas un objectif, c'est un peu un dommage collatéral de ce mouvement insurrectionnel, quoi, ou ce soulèvement qui se déroule là-bas. Par effet de ricochet, l'île, elle est totalement impraticable pour le passage de la flamme. Voilà, on peut s'en réjouir un peu. Et bah oui, on peut aussi rappeler que, alors pour le passage de la flamme, le ministère de l'Intérieur avait dit oui, on en autorisera la manif, mais loin, très très très loin de la flamme. Donc genre, la démocratie est respectée, les opposants peuvent s'opposer, voilà. Et parce que voilà, il faut vraiment que tout soit sous contrôle, même ce qui est opposition. Et quand même, je voulais rappeler que dans ce qu'ils appelaient menaces contestataires, ce dont ils ont peur, c'est même un drapeau, une banderole, une projection, un tag. Enfin, vraiment, ils veulent vraiment tout maîtriser et tout contrôler pour l'événement. En attendant, il y en a qui organisent. Donc là, je suis allée voir sur un blog qui s'appelle sbeul2024.noblogs.org. J'ai toujours envie de mettre .fr, beurre. Et du coup, j'ai vu un peu quelques dernières actions. Donc, d'ailleurs, dont une AG publique qui a eu lieu il y a quelques jours, je crois, pour s'organiser contre les Jeux Olympiques. Et j'ai vu qu'il y avait eu une déambulation suite à un gala anti-Jeux Olympiques, un gala de boxe. Et ensuite, il y a eu une déambulation dans la ville de Montreuil. J'ai vu aussi qu'il y avait eu une kermesse à Place des Fêtes, sur la Place des Fêtes à Paris, avec plein de petites activités diverses et variées de kermesse. Tout comme il y a eu une soirée contre les Jeux Olympiques, avec aussi plein d'activités de kermesse le week-end dernier. Donc on s'amuse bien chez les anti-JO, on dirait. Mais j'ai aussi vu, bah on continue à s'amuser parce qu'à Bordeaux, il y a eu un tract canular qui a été fait pour raconter et faire croire à l'augmentation des tickets de transport pendant les Jeux Olympiques. Et du coup, en invitant les gens à contacter l'entreprise. Et c'était avec un texte qui critiquait les Jeux Olympiques et il a été distribué dans les transports à Bordeaux. Et à Nanterre, et ben, les start-upers s'amusent un peu moins bien parce qu'il y a un gars qui dirigeait le GIGN pendant 3 ans et qui a créé une petite entreprise qui a pris part dans le programme d'expérimentation de cybersécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui se veut, son entreprise se veut un bras de l'État pour les techniques sécuritaires. Et donc, il y a eu des tags et des bris de vitrine sur son entreprise, enfin, sur cette entreprise. Et d'ailleurs, ça, au même moment où il y a un salon là, de l'armement en ce moment à Paris, où ils avaient fait un espèce d'effet d'annonce. Alors que pour dire qu'il n'y aurait pas les entreprises israéliennes, bon, franchement, ce salon, il est dégueulasse de tous les bouts jusqu'au oui. nom, quoi. Et en fait, bon, voilà, ça a eu aussi un effet de calmer la contestation. Et en fait, sur ordre de la justice, ces entreprises ont été réintégrées aujourd'hui ou hier. Donc voilà. Et d'ailleurs, là, il y a en ce moment une semaine d'informations, de discussions, de spectacles et de lutte contre ce salon et contre toute. Contre tout ce que ces armes et toutes produisent de par le monde, entre autres. Voilà, on mettra le lien sur le blog, mais c'est genre à Montreuil, à l'Aéry, jusqu'au 21 juin. Et je voulais revenir quand même un petit peu en arrière, parce que là, on a parlé d'actions plus récentes qui se passent contre les Jeux Olympiques, mais il y a déjà plusieurs mois, il y a eu des occupations de chantiers et des grèves sur les chantiers des Jeux Olympiques par la plupart des travailleurs sans papiers pour essayer d'obtenir des papiers et des conditions de travail meilleures. Et du coup, ça a un petit peu fonctionné. Il y a quelques personnes qui ont obtenu des papiers, mais voilà, que quelques personnes. Et du coup, comme d'hab. Les grèves se sont terminées et les chantiers ont repris leur cours, quoi. Il y a eu des petites occupations aussi pendant les... Ouais, sur le chantier de la chapelle, enfin de l'aréna de Porte de la Chapelle qui a vraiment été construite hyper rapidement, mais aussi dans une agence, une boîte d'intérim. Qui ont beaucoup embauché et ont beaucoup travaillé pour ces Jeux Olympiques aussi, quoi. Et pour élargir un peu des perspectives de lutte aussi contre les Jeux Olympiques, parce qu'en fait, les Olympiques, cette grande fête continuera son chemin dans d'autres villes, et hiver comme été. Et donc là, la France n'a rien trouvé de mieux que d'en remettre le couvert dans 6 ans. Et s'est dit, il nous faut aussi les Jeux d'hiver. Et ont sorti de leur chapeau une candidature dans la région Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour 2030. Et donc, il n'y a pas trop d'enjeux à la candidature, parce qu'en fait, ces régions-là sont les seules candidates, et ce sera décidé le 2 juillet. Voilà, a priori, c'est un grand suspense. Sauf si la lutte a ébranlé cette, cette candidature. Et c'est pas fini, il nous reste encore quelques jours. En tout cas, y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie de... Enfin, d'ailleurs, personne n'en veut, mais les gens là-bas, ils en veulent encore moins. Ils ont déjà eu des Jeux Olympiques en 92. Bon, ok, c'était il y a longtemps. Mais toutes ces infrastructures, elles sont encore là, elles sont en sale état. Et du coup, ils veulent les reconstruire. Ça coûte super cher. Une petite piste de bobsleigh, une petite patinoire à Nice. Enfin, bon, plein de trucs comme ça, quoi. Et du coup, c'est pareil. En fait, il y aura, à Paris, son lot de répression, de contrôle, de drones, de caméras, d'installations que pour l'instant, il n'y a pas forcément partout dans ces régions-là. Même si à Nice, bien sûr que si. De rénovation énorme. Et aussi la neige artificielle, en fait, parce qu'il neige plus non plus beaucoup. Il a un petit peu plus neigé cette année, mais en fait, là, il y a des Jeux Olympiques qui sont faits entièrement en neige artificielle en Chine, les derniers Jeux Olympiques d'hiver. Donc voilà, et ça dans une région qui est déjà fortement sous contrôle, militarisée. Il y a 3 sites des Jeux Olympiques qui sont prévus à la frontière, dont à Montgenèvre, qui est une frontière, un endroit particulièrement contrôlé. Donc on imagine que ça va être encore plus difficile de passer, et où il y a déjà en fait une lutte de l'État contre les migrants, quoi, à cet endroit-là. Mais on peut imaginer, vu que les JO, ils intensifient des logiques déjà présentes avant, que la question des frontières va être quelque chose d'important dans ces JO à venir. Ouais. Et du coup, bah, y a quand même déjà pas mal de choses qui sont passées ces derniers mois, voire cette dernière année, depuis en fait la candidature annoncée, quoi. Et là, il y a encore quelque chose qui se passe du 17 au 23 juin. Plusieurs actions à l'occasion du passage de la flamme qui va passer vers... je ne sais plus trop où exactement, dans les Alpes, en fait. Voilà. Mais en tout cas, déjà dans la région du Briançonnais, vers Gap, vers Grenoble, il y a eu des occupations de repoints, mais aussi des sabotages, des manifs, des déambulations, etc. Quoi, voilà. Une lutte en cours contre ça et contre toutes les logiques qui vont avec les Jeux Olympiques. Et bien, sur ce, on va peut-être... on est assez ponctuel, hein. On va vous quitter. On espère que cette émission vous a plu. Force à toutes celles et ceux qui sont à l'intérieur, enfermés. Vous pouvez toujours retrouver toutes nos émissions sur notre blog. Et la prochaine fois que vous nous retrouverez en direct, ce sera le 4 septembre. Et on va passer des revues de diffusion pendant l'été. Le 3 juillet, ce sera sur les prisons et la colonisation en Algérie. Bonne soirée, salut. Salut. Je dédie cette aubade en forme de berceuse, aux ramiers, aux oisifs, aux clampins, aux cossards, aux rêveurs, aux passifs, aux lambins, aux ronfleuses, aux testeurs de hamac, aux cancres, aux flemmards, aux poilus de la main, fatigués de naissance, aux planeurs, à la sieste, au repos du guerrier, au lève-tard, au couche-tôt, au monde du silence, aux membres inactifs, à la mouche tsetse. Adepte du berceau, dès ma plus tendre enfance, j'aimais passionnément la belle au bois dormant. Et encore aujourd'hui, j'ai le cœur qui balance entre Marie Tudor et les rois fainéants. Mais qui donc le premier a inventé la bulle? Mais qui donc l'a coincé, le diable ou le bon Dieu? Qui prétend de concile en conciliabule que l'éternel repos est l'avenir du pieux? Député ou ministre, il paraît qu'à la chambre on baille à qui mieux mieux. Les débats sont rasants, les discours sont sinistres, et c'est dans ces métiers que l'on vit le plus vieux. À moins que mes refrains ne mènent à la gloire, ce serait le summum, et je serais ravi d'être le roi sommeil. Mais je n'ose pas croire que je pourrais un jour détrôner Moustaki. Et voilà. Lorsque j'ai composé cet air soporifique, j'ai pris le plus grand soin et le plus grand plaisir à coucher doucement sur le papier musique d'une pause parfois et souvent des soupirs. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh.